Thank you. Thank you. C'est-à-dire ? Ouais. C'est du ACDC, pur et dur. Je vais me faire chier avec moi, ACDC. Thank you. En plus, c'est pas mal. Karma, il y a un super morceau. Karma, il y a un super morceau sur ton SoundCloud que j'adore. Faut que je le retrouve. Charger sur SoundCloud aussi. Je vais regarder. Ah putain, j'ai trouvé ça génial quoi. C'est quoi déjà ton truc? Thank you. il est fatigué. Thank you.